Audiomatique. amorcer la transmission 482 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique de l'artiste canadienne Emily Haynes, que l'on connaît comme étant une des membres de la formation Matrix et qui se produit également en solo en tant qu'Emily Haynes and the Soft Skeleton de son deuxième album intitulé Choir of the Mind. Est paru en 2017, nous vous avons fait jouer la chanson Minefield of Memory. Et c'est maintenant le percussionniste péruvien Manongo Mujica qui nous transporte dans son univers sonore. Thank you. Cette séquence musicale de deux pièces se concluait sur une composition de l'artiste et multi-instrumentaliste Carlos Nino, qui a conduit un ensemble de musiciens pour créer l'album I'm Just Chillin' on Fire, paru en septembre 2023. La pièce que nous avons entendue, 8-08-2222, mais notamment à contribution le saxophoniste Kamasi Washington, le pianiste Surya Botofassina et le joueur de iwi d'Electronic Wind Instrument Aaron Shaw. Avant Carlos Niños and Friends, nous entendions la composition Wakas du percussionniste Manongo Mujica. La pièce se retrouve sur l'album intitulé Del Cuarto Rojo, qui se veut un hommage sonore au peintre feu Raphaël Hastings. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec la guitariste américaine Mary Alverson. So where do we go from here? Let's get it on, we all man-made frontiers. Persevere for years like space station near. With knowledge of self-determination to peers. Interior horizons and cosmic spheres. We draw the future near like black hole pioneers. Make the dark soul matter appear out of the unknown. Full scale, full blown, and strip it to the bone like a lone heart patrolling uncharted zones. I guess today I take a different way home, pass by the rainbow throne, like a rolling stone. Wherever I lay my hat, yeah, you know where it's at. Forward on, back on the road, jack, like Kerouac. I hit the track with the soul clap, and I don't backpedal, and you know that. Selassie got my back on the level, that's the cold facts. Yes, we got it like that. Got to make sure we flip the next score. Push it on till we vex all. And still wanna get more flavors to blend, more experiments with them. Sounding signals to send if there is danger imminent, if there are borders to transcend. But we still represent inventing crazy shit like a trip never ending. Bending. New corner. We'll be right back. s'agissait à Audiomatic du trompettiste franco-suisse Eric Truffaz, ici accompagné du bassiste Marcello Giuliani et du pianiste Patrick Müller. De l'album Revisité, sorti en 2001, nous vous avons présenté la pièce Bending New Corners, remixé par Alex Gopher. Tout juste avant, et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était la guitariste américaine Mary Alverson et sa composition Desiderata, extraite de son plus récent album Cloud World, lancé le 19 janvier 2024. Toujours à Audiomatic, allons-y maintenant avec le projet Humanoid. Yeah. Audiomatique, nous venons d'écouter la pièce Fountains des Chemical Brothers qui apparaît sur le plus récent album intitulé For That Beautiful Feeling. Tout juste avant, c'était le projet Theremin Quattro mené par l'artiste péruvien José Gallo. De son plus récent et 10e album Art, Noise plus Speed, nous écoutions la pièce Nazca Slow Cowboy. Et pour amorcer la séquence, c'était le projet Humanoid mené par Brian Doggins, qui est une des deux têtes derrière The Future Sound of London. De son album Seven Songs, paru en 2021, nous écoutions la pièce Osculated. En conclusion de cette transmission 482 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de la formation anglaise The Smile, bien sûr composée de Thom Yorke et Johnny Greenwood, respectivement chanteur et guitariste de Radiohead, ainsi que du batteur Tom Skinner, qui œuvre au sein du groupe Sons of Kemet. Du deuxième album studio de la formation The Smile, intitulé Wall of Eyes, et paru le 26 janvier 2024, nous entendrons la pièce Read the Room. La transmission 483 d'Audiomatic se matérialisera mercredi prochain dès 17h sur les ondes radiophoniques avant d'être dématérialisée et placée dans les univers numériques à travers nos archives, dont une des portes d'entrée se fait par l'entremise de notre profil facebook.com/audiomaticcfou. Voici The Smile et la chanson Read the Room. C'était Audiomatic avec les sonoristes.